mais je m'en tape. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la chronique Je m'en tape, une émission dédiée à la découverte du développement personnel pour créer une vie qui vous ressemble en développant vos savoir-être. Je suis Émilie Adam, coach en développement personnel et professionnel, et je suis heureuse de vous présenter cette chronique dont le principe est de rendre accessible une notion de développement personnel et de donner des éléments concrets pour avancer. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons parler des phobies. Nous avons tous déjà ressenti des peurs, de l'inquiétude, de la nervosité, parfois même de la terreur pour des circonstances particulières. Et une fois que la situation est passée, nos sentiments et émotions s'évanouissent. Mais pour certains ou certaines d'entre nous, cette peur perdure de façon disproportionnée par rapport à une situation ou un objet, c'est ce qu'on appelle les phobies. Quand j'ai une phobie, je sais évidemment intellectuellement que ma peur est inappropriée par rapport à l'événement, mais le fait de le savoir ne m'aide pas à me sentir mieux, ni même à relativiser ma terreur. Au contraire, je vais même culpabiliser ou encore avoir honte face à cette peur irrationnelle. Aujourd'hui, j'ai ramené avec moi une partenaire pour m'assister dans ma chronique. Elle s'appelle Muriel. Pour vous permettre de bien vous la représenter, je vous invite à fermer les yeux. Évidemment, si vous êtes en train de conduire, ne fermez pas les yeux. Muriel a un corps massif recouvert d'un épais pelage de poils noirs et bruns. Cela lui donne un air sombre et menaçant. Elle mesure 20 cm de diamètre. Ses 8 gigantesques pattes délicatement recouvertes d'épines lui permettent de se déplacer silencieusement pour bondir sur sa prochaine proie. Ses yeux multiples, noirs et brillants, disposés sur le devant de sa tête, lui permettent d'avoir une vision panoramique à 360 degrés, lui permettant de scruter son environnement à la recherche de sa prochaine victime à dévorer. Ses crochets aiguisés sont capables de transpercer la chair et de libérer un poison mortel qui peut faire crier de douleur même les plus courageux. Vous l'aurez compris, Muriel est une tarentule. Lorsque je vois Muriel, l'objet ultime de ma phobie, mon corps ressent de nombreuses réactions. Je sens mon rythme cardiaque qui s'accélère, j'ai du mal à respirer, mes mains sont moites, mes pupilles se dilatent, ma vision se trouble, je ressens une terreur absolue et un danger de mort imminente. Si, si, je vous assure, selon mon système, Muriel peut me dévorer toute crue. Et au-delà des réactions physiologiques, ma phobie Muriel va également impacter mon comportement puisque je vais rentrer dans des techniques d'évitement pour ne plus avoir besoin d'être confrontée à elle. Pour ça, je vais peut-être même être prête à modifier une partie de ma vie, comme ne jamais aller dans le bassin méditerranéen pour éviter de croiser Muriel ou ses copines. De la même manière, si j'ai la phobie de conduire, je vais m'arranger pour ne jamais avoir besoin de prendre la voiture. Je vais toujours trouver des excuses ou des stratégies qui vont m'éviter d'avoir à conduire. Et comme j'ai honte de ça, je vais peut-être même éviter d'en parler à mon entourage ou mentir pour éviter d'avoir à en parler. Mince, je pourrais pas venir, ma voiture est encore au garage. Ah bon ? Depuis 7 ans ? Parfois, les phobies peuvent conduire à un vrai isolement social ou psychologique parce que les gens ne comprennent pas toujours ce que l'on ressent lorsque nous sommes confrontés à l'objet de notre peur irrationnelle. Il faut savoir qu'en France, nous sommes plus de 6 millions, soit presque 10% de la population, à souffrir de phobies. Et d'ailleurs, depuis 2005, l'assurance maladie reconnaît la phobie comme un véritable handicap. Comme toute chose peut être l'objet d'une phobie, cela explique aussi l'incompréhension de certaines personnes face à cette terreur disproportionnée. Les animaux, les insectes, le vide, conduire, parler en public, l'avion, les fruits, les clowns, le noir, le sang, les aiguilles, les espaces clos, la maladie, les nains de jardin. Et je peux continuer cette liste pendant encore 10 heures, puisqu'encore une fois, tout peut devenir l'objet d'une phobie. Puisqu'à l'origine, des phobies, ce sont régulièrement des traumatismes qui ont été vécus par le passé. Par exemple, je me fais mordre par un chien lorsque je suis enfant, il se peut que je devienne phobique des chiens. Le cerveau émotionnel enregistre 100% de nos souvenirs dans la bibliothèque de mémoire, l'hippocampe. Ainsi, lorsqu'il perçoit un stimuli extérieur via nos sens, toucher, odorat, ouïe, etc., il va vérifier dans la bibliothèque de mémoire si nous avons déjà perçu cette même chose. Si la réponse est oui, le système va analyser la charge émotionnelle liée au souvenir. Si elle est neutre ou positive, tout va bien. La branche de la détente de notre système nerveux autonome reste activée et le système continue sa petite vie. Si la charge émotionnelle est négative, le système va alors enclencher le mécanisme de défense qu'est le stress dans le but de nous sauver la vie. Pour bien comprendre ce mécanisme, je vous invite à réécouter ma précédente chronique sur le sujet du stress. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour illustrer cette théorie. Imaginons qu'un jour, à la terrasse d'un café, avec vos parents, vous sirotez un verre de sirop à la fraise en mangeant des cacahuètes. Et d'un coup, un pigeon grassouillet se pose devant vous, réclamant quelques arachides. Très enthousiaste de voir ce magnifique volatile, vous en mettez quelques-unes dans votre main et les présentez au pigeon. Ce charmant animal a malheureusement des problèmes de vue ou des tendances carnivores et décide de picorer votre main plutôt que les cacahuètes. Votre cerveau enregistre ce souvenir dans l'hippocampe et y ajoute une émotion, terreur, et une croyance, les pigeons veulent ma mort. Évidemment, toute personne vivant la même expérience ne va pas enregistrer les mêmes émotions ou croyances associées. À partir de ce moment-là, à chaque fois que votre système va percevoir un pigeon grassouillet, il va faire un aller-retour dans la bibliothèque de mémoire et le percevoir comme une menace au vu de ce qu'il a enregistré. Il va donc enclencher le mécanisme de défense qu'est le stress dans le but de vous sauver la vie face à ce pigeon machiavélique qui n'a comme seul dessein dans la vie que de vous dévorer tout cru. Le système va alors enclencher trois mécanismes de défense. La fuite, vous vous sauvez sans payer de la terrasse du café. L'attaque, vous agitez les bras et hurlez pour faire peur aux pigeons, qui ne bougent pas d'un pouce, mais par contre, vous allez faire vraiment peur aux gens autour de vous. Ou faire le mort, vous restez paralysé face à cette menace ailée. Et c'est ça qui nous fait adopter des comportements qui peuvent sembler absurdes face à notre objet de phobie. Enfant, j'avais très peur des araignées, et même ces gracieuses faucheuses que nous connaissons tous, inoffensives au possible, me terrifiaient littéralement. À tel point que je repérais toutes les araignées présentes dans la maison et qu'il m'était impossible de dormir dans ma chambre si j'avais repéré la présence de cette affreuse bête. Je me mettais à hurler en m'échappant de ma chambre ou encore on me retrouvait régulièrement debout sur une chaise, tremblante pour échapper à ce terrible arachnide se baladant au sol. Quelqu'un qui n'a pas peur des araignées ne les voit même pas, ou disons plutôt que son système ne s'y attarde pas, parce que pour lui, ce n'est pas une menace et donc pas la peine de mettre en priorité l'analyse de cette chose. Notre système est vraiment incroyable, car il perçoit tout notre environnement, mais pour éviter de nous saturer, il va se concentrer sur un certain nombre d'informations. C'est d'ailleurs avec ça que jouent les magiciens et illusionnistes. Désormais, quand vous rencontrez quelqu'un qui vit une phobie, ne minimisez pas sa peur parce que pour son système émotionnel, elle est littéralement en danger de mort. Les phobies peuvent également être transmises par nos parents. En les voyant réagir face à certaines choses, mon système va considérer que cette chose est une menace, même s'il n'a pas vécu d'expérience négative avec. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les phobies complexes. J'ai peur de quelque chose sans pour autant avoir vécu d'expérience négative avec, mais en vrai, ce n'est pas cette chose qui me fait peur, c'est quelque chose qui s'est passé en même temps et ma peur s'est déportée sur autre chose. Vous m'avez suivi ? Moi non plus. Par exemple, j'ai peur des chats, mais je n'ai aucune expérience négative avec ce félin et enfin, j'en avais même un. Mais du jour au lendemain, j'ai commencé à en avoir peur. Parce qu'un soir, mes parents se sont disputés beaucoup plus fort que d'habitude. Le chat était juste devant moi et mon système a associé la peur que j'ai ressentie pendant cette dispute avec le chat. Ou encore, j'ai peur des araignées parce que quand j'étais petite, papa m'enfermait dans la cave et que dans cette cave, il y avait des murielles. Et aussi du pinard, c'est grâce à ça que j'ai survécu. À cet endroit-là, je n'ai pas peur des chats, mais j'ai peur que mes parents se séparent par exemple. Ou encore, je n'ai pas peur des araignées, mais que papa m'enferme à nouveau dans cette cave. Heureusement, la bonne nouvelle du jour, ta-da-dam, c'est qu'il existe des solutions pour résoudre les phobies. Il y a notamment ce qu'on appelle la thérapie par l'exposition. Le principe est assez simple, à force de me confronter régulièrement à ma phobie à petite dose, mon système finit par enregistrer des expériences positives et petit à petit par diminuer l'intensité de sa peur. Et d'ailleurs, naturellement, beaucoup d'entre nous apaisent une phobie de cette façon. Enfant, j'ai failli me noyer et j'avais très peur de l'eau. Et pendant mes études, j'ai déménagé dans une ville totalement inconnue. Et comme je m'ennuyais profondément, j'ai commencé à aller à la piscine. Parce qu'il y avait vraiment que ça à faire à cet endroit-là. Et puis j'ai commencé à nager dans le petit bain, en m'arrêtant là où je n'avais plus pied. Et puis j'ai commencé à faire des largeurs de bassin. D'ailleurs, c'était très chiant pour les autres nageurs. Puis à nager tout en longueur près du bord, jusqu'à pouvoir enchaîner 45 minutes de nage sans m'arrêter. Et même par prendre du plaisir à être dans l'eau. Quand la thérapie par l'exposition n'est pas possible ou ne fonctionne pas, des techniques de thérapie bref, très rapides et efficaces existent. Et notamment la technique EFT, Emotional Freedom Technique, qui va permettre de retravailler le souvenir originel de la phobie et le rendre neutre émotionnellement. Je vous invite à réécouter une de mes précédentes chroniques sur le sujet de l'EFT pour bien comprendre comment ça fonctionne. Mais en deux mots, la technique consiste à stimuler des points sur le corps et les mains. Cette stimulation va permettre l'activation de la branche de la détente dans notre système nerveux autonome. Reprenons la peur des pigeons en guise d'exemple. Si j'accompagne quelqu'un qui a cette problématique, je vais l'inviter à se concentrer sur le souvenir de ce jour où elle s'est fait becqueter par un pigeon. Cela va engendrer de la peur puisque son système émotionnel ne fait pas la différence entre la réalité, l'imaginaire, le passé, le présent ou encore le futur. Lorsque nous ressentons des émotions comme la peur, la tristesse, la colère ou toute autre émotion dite basse, la branche du stress s'active. Et si nous ressentons des émotions neutres ou hautes, joie, amour, gratitude, la branche de la détente s'active. Ensuite, je vais inviter la personne à stimuler les différents points de la technique EFT, ce qui va permettre d'activer la branche de la détente. Puis, je reconcentre la personne sur le souvenir, ce qui active la branche du stress. Puis, je lui propose de stimuler à nouveau les points de la technique EFT, ce qui active la branche de la détente, et ainsi de suite jusqu'à créer une incohérence dans le système. Un peu comme un bug. Et le souvenir de ce pigeon va devenir neutre émotionnellement, car il est associé à la branche de la détente. Ainsi, quand la personne verra un pigeon et que son système ira analyser dans la bibliothèque de mémoire les souvenirs en lien avec ce volatile et qu'il y trouvera la fois où la personne s'est fait becqueter la main, il n'activera pas la branche du stress puisque ce souvenir est devenu neutre émotionnellement. C'est une technique particulièrement efficace et incroyablement rapide pour apaiser les phobies, qu'elles soient simples ou complexes, acquises ou transmises. Et même quand la personne n'a pas le souvenir originel de sa phobie. Donc, si je résume... Déculpabiliser de vos comportements face à vos phobies, c'est votre système qui tente de vous sauver la vie de manière très maladroite. Heureusement, aujourd'hui, il existe des techniques pour apaiser une phobie. Vous pouvez tenter des petites expériences pour créer des souvenirs de plus en plus positifs avec l'objet de votre phobie, ou alors faire appel à quelqu'un pour travailler avec une technique de thérapie brève. En attendant, moi, je vais faire des papouilles à Muriel. Merde, Muriel, elle a disparu. Oh, je vous souhaite une bonne expérimentation et on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique, je m'en tape. Je m'en tape. Je m'en tape. C'est comme ça et je m'en tape.